This is California Spirit with Chris Morris. Salut à tous et bienvenue dans votre musical California Spirit Radio Show. Et cette semaine, j'ai décidé de laisser une très grande partie de la prog à une toute jeune auditrice qui se prénomme Selvina et qui a tout juste 25 ans. Elle habite l'île Maurice et c'est une grande passionnée de la musique des années 80 et je dirais même plus une experte en la matière, car celle-ci n'hésite pas à poster couramment sur les réseaux sociaux de bien belles pépites AOR et certaines vont faire partie de sa playlist. Je lui ai demandé donc de choisir uniquement des titres dits califs de la période 80-89. Donc, pas de nouveauté cette semaine, je précise. Et vous allez voir, le challenge est amplement remporté. Mais avant tout cela, nous devions, sur cette antenne, de rendre hommage à Marty Balin, qui nous a quittés le 27 septembre dernier, fondateur de ce groupe psychédélique des années 70, Jefferson Airplane, qui deviendra plus tard Jefferson Starship, puis Starship, mais sans lui. Mais ce sont ces dernières traces notables qui vont nous intéresser par l'intermédiaire de ces deux albums solo, Balin et plus tard Lucky. Et justement, écoutons, si vous le voulez bien, le très classe Hearts, tube West Coast de référence, qui se classa en 1981 à la 8e place du Billboard Hot 100. Bienvenue à vous donc, c'est Chris Morris qui vous accompagne pour cette spéciale classique 80 avec pour commencer donc Marty Balin et ce titre Hearts, California Spirit Radio Show, Chris Morris. Hearts can break, and Grand artiste qui nous a quitté, Marty Balin avec Hearts. Nous étions en 1981. Weekend Vibes, West Coast Jives, California Spirit Radio Show. California Spirit. Ah, ce titre, nous le devons à cet artiste suédois, Mr. Tommy Nilsson, avec cet album enregistré en 82 entre Stockholm et Eile. Bien qu'il n'ait pas trop bien marché, cela reste quand même un incontournable de la musique dite IOR. C'était donc Dark Angel dans cette spéciale Classique 80. Cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. Running at the speed of light, I can't slow down now. mission to be the light. No matter where I go, I guess I'll get there alright. So why don't I understand what's tripping me up? It used to be a simple thing. I can't hold on and I can't return. Time to let go. It's time to live and learn. Took a one-way flight. You had to see the ground. Now I know how long it takes a heart to come down. So why don't I understand what's tripping me up? I know it ought to be a simple. Ah, une spéciale classique 80 sans Michael McDonald. Non, ça ne pourrait exister. No Looking Back. Extrait de l'album du même nom, c'était en 1985 donc. Juste 3 ans après ce premier album, Is It If That's What It Takes donc. Elle retrouvait bien entendu des contributions comme David Pack, Jeff Porcaro bien entendu, et puis Cornelius Bumpus dans les bien sûr dans les claviers. Nothing like the sunshine, the sea and smooth silky grooves on the California Spirit Radio Show. I would give it all. C'est complètement paradoxal, mais cet artiste a un nom francisé. Frankie Bleu, j'ai envie de dire Frankie Blue. Just For You, cet extrait de cet album de 1982, Who's Following Who. Et si d'ailleurs vous êtes un petit peu curieux, si vous aimez la musique West Coast, eh bien allez faire un petit tour donc sur cette chaîne YouTube qui s'appelle West Coast 99, dont je me suis un petit peu imprégné. Et vous retrouvez un tas de disques, de titres des années 80 et des années 70 également. Hitchhike along with Chris Morris on the highway of classic hits, California Spirit Radio Show. To make you understand, I've been trying to give you all I can, but I'm just standing on the outside of your loving heart. Oh, I'm standing on the outside of your love, and I wanna give you more. Can live without you. Now that I felt you standing close to me. Oh, we passed all the flirting, and darling, I'm a hurting, and I wanna talk tonight. How can I make you understand? I've been trying to give you all I can, but I'm just standing on the outside of your loving heart. Give you more, darling, you just close that door. wanna give you more. Darling, you just close that door and I'm just standing on the outside of your loving heart. Quelle sélection, dites-moi avec un instant. Le Kazumatsu Project, composé de Robin Ford, mais aussi bien entendu de la claviériste et compositrice spécialisée dans le smooth jazz, jazz fusion et le new age music. Je veux bien sûr parler de Keiko Matsuo, qui est japonaise, d'origine japonaise, mais qui habite bien entendu à Los Angeles, en Californie. Et puis on notera bien entendu à la voix Philip Ingram, le grand Philip Ingram, donc avec ce titre Standing on the Outside. California Spirit Radio Show. Smooth sound drive on Sunset Boulevard. Un petit détour fin des années 70, 78 exactement, avec eh bien, cet album anthologique, éponyme donc, Pages, où l'on retrouvait bien entendu Eh bien, nous l'en retrouvions, tout à fait, Richard Page, bien entendu, à la voix, Jerry Manfredi, Bobby Columbine, Dave Rubin, qui a participé à cet album, et puis Russ Batlen, sans oublier, bien entendu, Steve George, qui était bien entendu au synthétiseur. California Spirit Radio Show, that West Coast coolness wherever you are. Le synthé tape fort dans les années 80, la preuve avec ce titre de David Pack, issu de l'album du même nom, Anywhere You Go, qui est son premier album solo donc, puisque David Pack auparavant faisait partie du groupe Ambrosia. L'album donc fut réalisé en 1985. Et puis pour la petite histoire, eh bien, David Pack réalisa 5 titres et 5 autres titres furent coécrits. On retient aussi dans cet album les titres suivants, Prove Me Wrong, qui était extrait d'un film qui s'appelait The White Nights. Et puis on retrouvait également I Just Can't Let Go, That Girl Is Gone, qui était bien placé dans les hits de l'époque. Cruising along with music of California's coast with Chris Morris on the California Spirit Radio Show. California Spirit. Il y a des titres comme ceux-là qui nous transportent eh bien, de l'autre côté hein, de l'Atlantique et même du Pacifique en Californie. Imaginez peut-être que vous êtes à bord d'une Mustang de 1964, les cheveux au vent. Bon, ce ne serait pas mon cas, bien entendu. Descendant cette 101, cette Highway 101 qui relie eh bien, San Francisco à Los Angeles. En compagnie de votre musique préférée, telle Dakota, Over and Over, en 1984, extrait de leur album, pardon, Runaway. California Spirit Radio Show, your weekend West Coast habit. California Spirit Radio Show. Ah, nous n'avons pas le temps de nous endormir dans cette spéciale classique 80 avec ce titre de Toto, Can't Stand It Any Longer, extrait de cet album donc Fahrenheit qui est le sixième album du groupe sorti en 86. Il s'agit du premier disque avec Joe Williams au chant après le départ de Fergie Frederiksen. L'album est plutôt pop et la nouvelle voix du groupe donne un style différent à la bande mais qui en sera jugé très positivement par le public. Every couple of weeks, find us for the best vinyl sessions of the 70s and the 80s. Only on California Spirit Radio Show, Chris Marks. California Spirit, Extra Gold. Nous étions en 1983, Amy Holland, I Never Give Up, extrait de son deuxième album, On New Every World. Et j'ai eu la chance, oui, de rencontrer Amy Holland aux côtés de Michael McDonald. C'était au mois de mars dernier à l'Olympia, où Michael se produisait, une grande dame de la musique californienne. California Spirit Radio Show, your weekend West Coast habit. This is Bill Champlin, and you're listening to California Spirit Radio with Chris Morris. Have a good one. What happened to that old feeling we knew? Remember how my love Mr. Bill Champlin, Gotta Get Back to Love, extrait de cet album Runaway. Et ceci n'engage que moi, mais cet album est pour moi un des meilleurs albums, oui, un des meilleurs albums West Coast de tous les temps, en 1981, donc Runaway. On le retrouvait d'ailleurs Tonight Tonight, Sarah. Non, un album formidable, produit par Mr. David Foster. This is Roy Braverman from the USA, loving the golden grooves and smooth moves of California Spirit Radio Show, wherever I go. Dream at night. Ah, quelle superbe balade en compagnie de Timothy B. Schmidt, Tell Me What You Dream, et cet extrait de son premier album, Playing It Cool. Nous étions alors en 1984. Nothing like the sunshine, the sea, and smooth, silky grooves on the California Spirit Radio Show. Quoi de plus beau que de terminer avec ce titre « Living It Up » de Bill LaBounty, extrait de cet album éponyme de 1982. Superbe Bill LaBounty, vous le retrouvez bien entendu. Des performers comme David Sanborn au saxo, oui, qui passe juste derrière moi. Paddy Austin, Steve Gadd, Lenny Castro bien entendu, toujours fidèle au rendez-vous. Voilà, je vous remercie eh bien Salvina pour nous avoir concocté cette playlist classique 80. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut, à ciao. California Spirit is presented by West Coast Music Magazine on www.musicfromthewestcoast.com.